Chapitre 48 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 48 des Destriers. Me voici devenu grammairien. Moi qui n'appris jamais langue que par routine et qui ne sais encore que c'est d'adjectif, conjonctif et d'ablatif. Il me semble avoir ouï dire que les Romains avaient des chevaux qu'ils appelaient funales ou dextrarios, qui se menaient à dextre ou à relais pour les prendre tout frais au besoin. Et de là vient que nous appelons destriers les chevaux de service, et nos Romains disent ordinairement adestrer pour accompagner. Ils appelaient aussi desultorios equos, des chevaux qui étaient dressés de façon que, courant de toute leur roideur, accouplés côte à côte l'un de l'autre, sans bride, sans selle, les gentilshommes romains, voire tout armés, au milieu de la course, se jetaient et rejetaient de l'un à l'autre. Les numides gendarmes menaient en main un second cheval pour changer au plus chaud de la mêlée. Quibus desultorum in modum, binos trahentibus equos, inter acerimam sepe pugnam, in recentem equum, ex fesso, armatis transultare mos erat. Tanta velocitas ipsis, tamque docile equorum genus. Il se trouve plusieurs chevaux dressés à secourir leur maître, courir su à qui leur présente une épée nue, se jeter des pieds et des dents sur ceux qui les attaquent et affrontent. Mais il leur advient plus souvent de nuire aux amis qu'aux ennemis, joint que vous ne les déprenez pas à votre poste quand ils se sont une fois harpés et demeurés à la miséricorde de leur combat. Il méprit lourdement à Artibius, général de l'armée de Perse, combattant contre Onésilus, roi de Salamine, de personne à personne, d'être monté sur un cheval façonné en cette école, car il fut cause de sa mort, le coustillier d'Onésilus l'ayant accueilli d'une faux entre les deux épaules, comme il s'était cabré sur son maître. Et ce que les Italiens disent, quand la bataille de Fort Nuove, le cheval du roi Charles le déchargea, arrua des penades, des ennemis qui le pressaient et qu'il était perdu sans cela. Ce fut un grand coup de hasard, s'il est vrai. Les Mamelus se vantent d'avoir les plus adroits chevaux de gendarmes du monde, que par nature et par coutume, ils s'en font connaître et distinguer l'ennemi sur qui il faut qu'il se rue, de dents et de pieds, selon la voix ou signe qu'on leur fait, et pareillement à relever de la bouche les lances et dards émis la place, et les offrir au maître, selon qui le commande. On dit de César, et aussi du grand Pompeius, que parmi leurs autres excellentes qualités, ils étaient fort bons hommes de cheval. Et de César, qu'en sa jeunesse, monté à dos sur un cheval, et sans bride, il lui faisait prendre carrière, les mains tournées derrière le dos. Comme nature a voulu faire de ce personnage, et d'Alexandre, deux miracles en l'art militaire, vous diriez qu'elle est aussi efforcée à les armer extraordinairement. Car chacun sait du cheval d'Alexandre, Bucéphale, qu'il avait la tête retirant à celle d'un taureau, qu'il ne se souffrait monter à personne qu'à son maître, ne peut être dressé que par lui-même, fut honoré après sa mort, et une ville bâtie en son nom. César en avait aussi un autre qui avait les pieds de devant comme un homme, ayant l'ongle coupé en forme de doigt, lequel ne peut être monté ni dressé que par César, qui dédia son image après sa mort à la déesse Vénus. Je ne démonte pas volontiers quand je suis à cheval, car c'est l'assiette en laquelle je me trouve le mieux, et sain et malade. Platon la recommande pour la santé, aussi dit Pline qu'elle est salutaire à l'estomac et aux jointures. Poursuivons donc, puisque nous y sommes. On lit en Xénophon la loi défendant de voyager à pied à homme qui eut cheval. Trogus et Justinus disent que les Parthes avaient accoutumé de faire à cheval non seulement la guerre, mais aussi toutes leurs affaires publiques et privées, marchander, parlementer, s'entretenir et se promener. Et que la plus notable différence des libres et des serfs parmi eux, c'est que les uns vont à cheval, les autres à pied. Institution née du roi Cyrus. Il y a plusieurs exemples en l'histoire romaine, et Suétone le remarque plus particulièrement de César, des capitaines qui commandaient à leurs gens de cheval de mettre pied à terre, quand ils se trouvaient pressés de l'occasion, pour ôter aux soldats toute espérance de fuite, et pour l'avantage qu'ils espéraient en cette sorte de combat. « Quo haut dubie superat Romanus ?» dit Tite-Live. « Si est-il que la première provision, de quoi ils se servaient à brider la rébellion des peuples de nouvelles conquêtes, c'était leur ôter armes et chevaux. Pourtant voyons-nous si souvent en César, arma proferi, iumenta produci, obsides dari iubet. Le grand seigneur ne permet aujourd'hui ni à chrétiens, ni à juifs d'avoir cheval à soi, sous son empire. Nos ancêtres, et notamment du temps de la guerre des Anglais, et combats solennels et journées assignées, se mettaient, la plupart du temps, tout à pied, pour ne se fier à autre chose qu'à leur force propre et vigueur de leur courage et de leurs membres, de choses si chères que l'honneur et la vie. Vous engagez, quoi qu'on dit crisante en Xénophon, votre valeur et votre fortune à celle de votre cheval. Ses plaies et sa mort tirent la vôtre en conséquence. Son effroi ou sa fougue vous rendent ou téméraire ou lâche. S'il a faute de bouche ou d'éperon, c'est à votre honneur à en répondre. À cette cause, je ne trouve pas étrange que ces combats-là fussent plus fermes et plus furieux que ceux qui se font à cheval. Caedebant pariter, pariterque ruebant, victores victique. Neque his fuga nota, neque illis. Leur bataille se voit bien mieux contestée. Ce ne sont à cette heure que route, primus clamor atque impetus rem decernit, et chose que nous appelons à la société d'un si grand hasard doit être en notre puissance le plus qu'il se peut, comme je conseillerais de choisir les armes les plus courtes, et celles de quoi nous nous pouvons le mieux répondre. Il est bien plus apparent de s'assurer d'une épée que nous tenons au poing que du boulet qui échappe de notre pistole, en laquelle il y a plusieurs pièces, la poudre, la pierre, le rouet, desquelles la moindre qui vienne à faillir vous fera faillir votre fortune. On assène peu sûrement le coup que l'air vous conduit. Et quo ferre velint, permittere vulnera ventis, ensis habet vires, et gens quecumque virorum est, bella gerit gladis. Mais quant à cette arme-là, j'en parlerai plus amplement où je ferai comparaison des armes anciennes aux nôtres, et sauf l'étonnement des oreilles, à quoi désormais chacun est apprivoisé, je crois que c'est une arme de fort peu d'effet, et espère que nous en quitterons un jour l'usage. Celle de quoi les Italiens se servaient, de jet et à feu, était plus effroyable. Ils nommaient phalarica une certaine espèce de javeline armée par le bout d'un fer de 3 pieds, afin qu'il pût percer d'outre en outre un homme armé, et se lançait tantôt de la main en la campagne, tantôt à tout des engins, pour défendre les lieux assiégés. La ronde, revêtue d'étoupes, empoisée et huilée, s'enflammait de sa course, et s'attachant au corps ou au bouclier, ôtait tout usage d'armes et de membres. Toutefois, il me semble que pour venir au joindre, elle porta aussi empêchement à l'assaillant, et que le champ, jonché de ses tronçons brûlants, peut produire en la mêlée une commune incommodité. Magnum stridens contorta phalarica venit, fulminis acta modo. Ils avaient d'autres moyens à quoi l'usage le dressait, et qui nous semble incroyable par inexpérience, par où il suppléait au défaut de notre poudre et de nos boulets. Ils dardaient leurs piles de telle roideur que souvent, ils en enfilaient 2 boucliers et 2 hommes armés, et les cousaient. Les coups de leur fonde n'étaient pas moins certains et lointains. Saxis globosis, funda mare apertum incessentes, coronas modici circuli, magno ex intervallo loci, assueti traicere non capita modo hostium vulnerabant, sed quem locum destinasent. Leurs pièces de batterie représentaient, comme les faits, aussi le tintamarre des nôtres. At ictus menium, cum terribile sonitu editus, pavor et trepidatio cepit. Les Gaulois, nos cousins, en Asie, haïssaient ces âmes traîtresses et volantes, dues à combattre main à main avec plus de courage. Non tam patentibus plagis moventur, ubi latior quam altior plaga est, etiam gloriosius se pugnare putant. Idem, cum aculeus sagite, aut glandis abdite, introrsus tenui vulneri in speciem uret. Tum in rabiem et pudorem tam parve perimentis pestis versi, prosternunt corpora humi. Peinture bien voisine d'une arbuscade, les 10 000 Grecs, en leur longue et fameuse retraite, rencontrent une nation qui les endommagea merveilleusement à coups de grands arcs et forts, et de sagettes si longues qu'à les reprendre à la main, on les pouvait rejeter à la mode d'un dard, et percer de part en part un bouclier et un homme armé. Les engins que Dionysius inventa à Syracuse, attirés des gros traits massifs et des pierres d'horrible grandeur, d'une si longue volée et impétuosité, représentaient de bien près nos inventions. Encore ne faut-il pas oublier la plaisante assiette qu'avait sur sa mule un maître Pierre-Paul, docteur en théologie, que Monstrelet récite avoir accoutumé se promener par la ville de Paris, assis de côté comme les femmes. Il dit aussi ailleurs que les Gascons avaient les chevaux terribles, accoutumés de virer en courant, de quoi les Français, Picards, Flamands et Brabançons faisaient grand miracle, pour n'avoir accoutumé de les voir. Ce sont ces mots. César, parlant de ceux de Suède, « Aux rencontres qui se font à cheval, dit-il, ils se jettent souvent à terre pour combattre à pied, ayant accoutumé leurs chevaux de ne bouger cependant de la place, auquel ils recourent promptement s'il en est besoin. Et selon leur coutume, il n'est rien si vilain et si lâche que d'user de sel et bardel, et méprise ceux qui en usent, de manière que, fort peu en nombre, ils ne craignent pas d'en assaillir plusieurs. Ce que j'ai admiré autrefois, de voir un cheval dressé à se manier à toute main avec une baguette, la bride avalée sur ses oreilles, était ordinaire aux Massiliens, qui se servaient de leurs chevaux sans sel et sans bride. Et gens, quae nudo residens, Massilia dorso, ora levi flectit, frenorum nescia virga, et numide in freni cingunt. Equi sine frenis, deformis ipse cursus, rigida cervice et extento capite currentium. Le roi Alphonse, celui qui dressa en Espagne l'ordre des chevaliers de la bonde ou de l'écharpe, leur donna, entre autres règles, de ne monter ni mule ni mulet sur peine d'un mar d'argent d'amende. Comme je viens d'apprendre dans les lettres de Guevara, desquelles ceux qui les ont appelés dorés faisaient jugement bien autre que celui que j'en fais. Le courtisan dit qu'avant 100 ans, s'était reproché à un gentilhomme d'en chevaucher. Les Abyssins, au rebours, à mesure qu'ils sont les plus avancés près le Prétaïen, leur prince, affectent pour la dignité et pompe de monter de grandes mules. Xénophon récite que les Assyriens tenaient toujours leurs chevaux entravés au logis, tant qu'ils étaient fâcheux et farouches, et qu'il fallait tant de temps à les détacher et harnacher que, pour que cette longueur ne leur apportât dommage, s'ils venaient à être en désordre surpris par les ennemis, ils ne logeaient jamais en camp qui ne fût fossoyé et remparé. Son Cyrus, si grand maître aux fêtes de chevalerie, mettait les chevaux de son escoc et ne leur faisait bailler à manger qu'ils ne l'eussent gagné par la sueur de quelque exercice. Les Scythes, où la nécessité les pressait en la guerre, tiraient du sang de leurs chevaux et s'en abreuvaient et nourrissaient. Venit et epotos armata pastus equo. Ceux de Crète, assiégés par Metellus, se trouvèrent en telle disette de tout autre breuvage qu'ils eurent à se servir de l'urine de leurs chevaux. Pour vérifier combien les armées turquesques se conduisent et maintiennent à meilleure raison que les nôtres, ils disent qu'outre ce que les soldats ne boivent que de l'eau et ne mangent que riz et de la chair salée mise en poudre, de quoi chacun porte aisément sur soi provision pour un mois, ils savent aussi vivre du sang de leurs chevaux, comme les Tartares et Moscovites et le sale. Ces nouveaux peuples des Indes, quand les Espagnols y arrivèrent, estimèrent tant des hommes que des chevaux, que ce fussent ou dieux ou animaux en noblesse au-dessus de leur nature. Aucun, après avoir été vaincu, venant demander paix et pardon aux hommes, et leur apporter de l'or et des viandes, ne faillirent d'en aller autant offrir aux chevaux, avec une toute pareille harangue à celle des hommes, prenant leur hennissement pour langage de composition et de trêve. Aux Indes de ça, c'était anciennement le principal et royal honneur de chevaucher un éléphant, le second d'aller en coche traîné par 4 chevaux, le tiers de monter un chameau, le dernier, et plus vil de gré, d'être porté ou charrié par un cheval seul. Quelqu'un de notre temps écrit avoir vu, en ce climat-là, des pays où on chevauche les bœufs avec bastine, étrier et bride, et s'être bien trouvé de leur porture. Quintus Fabius Maximus Rutilianus, contre les Samnites, voyant que ces gens de cheval, à 3 ou 4 charges, avaient failli d'enfoncer le bataillon des ennemis, prit ce conseil, qu'ils débridassent leurs chevaux et brochassent à toute force des éperons, si que, rien ne les pouvant arrêter au travers des armes et des hommes renversés, ils ouvrirent le pas à leurs gens de pied, qui parfirent une très sanglante défaite. Autant on commanda Quintus Fulvius Flaccus contre les Celtibériens. It cum maiore vi et quorum facietis, si effrenatos in hostes equus imititis. Quod sepe Romanus equites cum laude fecisse sua, memoriae proditum est. Detractisque frenis bis ultro citroque cum magnas drage hostium, infractis omnibus hastis transcurrerunt. Le duc de Moscovie devait anciennement cette révérence aux Tartares quand ils envoyaient vers lui des ambassadeurs qui leur allaient au-devant à pied et leur présentaient un gobeau de lait de jument, breuvage qui leur est en délice, et si, en buvant, quelques gouttes en tombaient sur le crin de leurs chevaux, il était tenu de la lécher avec la langue. En Russie, l'armée que l'empereur Bajazé y avait envoyée fut accablée d'un si horrible ravage de neige que, pour s'en mettre à couvert et sauver du froid, plusieurs s'avisèrent de tuer et éventrer leurs chevaux pour se jeter dedans et jouir de cette chaleur vitale. Bajazé, après cet âpre étour où il fut rompu par Tamburlan, se sauvait bel air sur une jument arabesque, s'il n'eût été contraint de la laisser boire sans soûl au passage d'un ruisseau, ce qui la rendit si flaque et refroidie qu'il fut bien aisément après aconsuivi par ceux qui le poursuivaient. On dit bien qu'on les lâche, les laissant pisser, mais le boire, j'eusse plutôt estimé qu'il l'eût renforcé. Crésus, passant le long de la ville de Sardis, y trouva des pastis où il y avait grande quantité de serpents, desquels les chevaux de son armée mangeaient de bon appétit, qui fut un mauvais prodige à ses affaires, dit Hérodote. Nous appelons un cheval entier qui a crin et oreille, et ne passe les autres à la montre. Les Lacédémoniens, ayant défait les Athéniens en la Sicile, retournant de la victoire en pompe en la ville de Syracuse, entre autres bravades, firent tendre les chevaux vaincus, et les menèrent ainsi en triomphe. Alexandre combattit une nation, Dahas. Ils allaient 2 à 2, armés à cheval, à la guerre. Mais en la mêlée, l'un descendait à terre et combattait hors à pied, hors à cheval, l'un après l'autre. Je n'estime point qu'en suffisance et en grâce à cheval, nulle nation nous emporte. Bon homme de cheval, à l'usage de notre parler, semble plus regarder au courage qu'à l'adresse. Le plus savant, le plus sûr, le mieux avenant à mener un cheval à raison, que j'ai connu, fut à mon gré monsieur de Carnavalet, qui en servait notre roi Henri II. J'ai vu homme donner carrière à 2 pieds sur sa selle, démonter sa selle, et au retour la relever, réaccommoder, et s'y rasseoir, fuyant toujours à bride avalée, ayant passé par-dessus un bonnet, y tiré par derrière de bons coups de son arc, amasser ce qu'il voulait, se jetant d'un pied à terre, tenant l'autre en l'étrier, et autre pareille singerie, de quoi qu'il vivait. On a vu de Menton, à Constantinople, 2 hommes sur un cheval, lesquels, en sa plus roide course, se rejetaient à tour à terre, et puis sur la selle, et un qui, seulement des dents, bridait et en harnachait son cheval. Un autre qui, entre 2 chevaux, un pied sur une selle, l'autre sur l'autre, portant un second sur ses bras, piqué à toute bride. Ce second, tout debout sur lui, tirant en la course, des coups bien certains de son arc. Plusieurs qui, les jambes contre mont, donnaient carrière, la tête plantée sur leur selle, entre les pointes des cimetières attachées au harnais. En mon enfance, le prince de Sulmon à Naples, maniant un rude cheval de toutes sortes de maniements, tenait sous ses genoux et sous ses orteils des réales, comme si elles y eussent été clouées, pour montrer la fermeté de son assiette. Fin du chapitre 48.